montrer les lumières sur les parapents chinois. Quand il n'y aura que les silences, certains oiseaux de couleur chanteront encore, c'est simple, tel un regard. À prendre la route, j'ai dessiné des lettres sur le cahier des colliers. J'ai regardé devant le soleil se lever, et l'impression à la nuit est venue me toucher. Clair, obscur, sur la peinture de ce tableau hollandais, les plaisirs sont immenses. Quand on met le soir afin d'offrir des roses blanches dans un bouquet garni. Autrefois, la fleur se portait au bout du fusil. On crée lumière sur les paravents chinois. Quand il n'y aura que du silence, certains oiseaux de couleur composeront encore. C'est simple, tel un regard. À prendre la route, j'ai dessiné des lettres sur le cahier des collines. J'ai regardé devant le soleil se lever, et l'impression à la nuit est venue me toucher. Dans certaines éducations fréquentées, la rose rose est signe d'amitié. Dans certaines éducations fréquentées, la rose rouge signe l'amour, c'est simple comme bonjour. Ombre et lumière sur les paravents chinois. Quand il n'y aura que du silence, certains oiseaux de couleur composeront encore. C'est simple, tel un regard. À prendre la route, j'ai dessiné des lettres sur le cahier des colliers. J'ai regardé devant le soleil se lever, et l'impression à la nuit est venu me toucher.